Bélier, vous devez faire preuve de constance dans vos entreprises. Comme cela, personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. Taureau, les affaires reprennent. Il était temps. Vous pouvez relancer d'anciens projets mis de côté. Gémeaux, fixez-vous une ligne directrice à respecter. Ne vous éparpillez pas dans tous les sens. Cancer, aujourd'hui, Mars s'installe dans votre 7e maison solaire, ce qui donne un coup de fouet à votre existence. Lion, vous avez tout prévu. Vous êtes un as de l'organisation, ce qui vous évite certaines déconvenues ou erreurs professionnelles. Vierge, aujourd'hui, Mars transite dans votre 5e maison solaire. Votre sensualité est de retour pour conquérir l'élu de votre cœur. Balance, vous travaillez d'arrache-pied aujourd'hui, quelle endurance! Scorpion, réfléchissez bien à votre stratégie pour parvenir à vos fins. Ne foncez pas tête baissée sans avoir cogité. Sagittaire, vous serez ravi de vous faire de nouveaux amis, mais également de tisser de nouveaux liens. Capricorne, aujourd'hui, Mars s'installe dans votre signe, vous insufflant tonus à profusion et dynamisme à revendre. Verseau, vous profitez à 100% des bons moments passés en compagnie de l'élu de votre cœur. Poisson, faites de la relaxation ou des exercices de respiration pour vous décontracter.